Moi, si je rencontre quelqu'un un jour qui est capable de me parler en dessous de la table, je vais être bien content. Mais il est mieux de monter vite en maudit dans l'échelle. Mais si j'en rencontre un, je vais être content. Je vais dire, c'est-tu fantastique qu'il y ait sur la planète tant d'intelligence dans un homme? Parce que déjà, dans mon esprit, il y en a tellement qui coulent. Fait que s'il y en a plus qui coulent, c'est extraordinaire. Puis pour moi, en tant qu'expérience, ça serait absolument phénoménal. Alors, notre relation avec les hommes, c'est comme ça. On doit être suffisamment en dehors ou libéré de notre conscience astrale qui complexifie nos couleurs et qui retarde l'évolution de notre intelligence pour être aux aguets. Quand quelqu'un vous parle, vous ne pouvez pas gober ce qu'il vous dit. Vous devez regarder ce qu'il vous dit et entrer en résonance avec votre intelligence. Et c'est là l'erreur que les gens font. Puis c'est pour ça que tout le monde est en pamoison devant le monde. Puis tout le monde, éventuellement, sur des plans inférieurs, croit ceux qui parlent bien ou qui ont de la verve dans le verbe. Puis je parle pas de ménard dans ce cas-ci, mais il y a bien des gens qui ont de la verve dans le verbe. Puis c'est, en fait, c'est de la morve dans le verbe. C'est de la mort. C'est pas de la verve, c'est de la mort. C'est pour ça que les relations entre vous autres sont extrêmement importantes. Les relations de sociales, parler, c'est extrêmement important. Moi-même, je parle avec vous autres, puis j'apprends énormément de choses. Pourquoi? Parce que je parle avec vous autres. Si j'étais tout seul, je pourrais pas apprendre ça, ce que je parle. Fait que ça démontre jusqu'à quel point c'est important pour nous autres de parler ensemble. Mais pour qu'on puisse parler ensemble, il est grand temps que les gens commencent à se déastraliser et à se déconditionner de cette énergie-là qui crée en eux des situations ou des formes potentielles de complexes, sinon des formes explosives de complexes. C'est là que ça entre en jeu la fameuse, je déteste le mot humilité, mais c'est là qu'entre en jeu l'état d'esprit qui fait que l'homme ne souffrant plus de coloration dans sa personnalité au niveau astral, se sent extrêmement équilibré dans ses relations avec les hommes, il ne se sent jamais en danger, il ne se sent jamais en défense, il ne se sent jamais en attaque. Et les complexes de l'ego créent en lui des attitudes de défense et d'attaque, et ce sont ces attitudes-là qui coupent le courant universel parmi les hommes. Et c'est ça qui empêche les égos d'accéder à des plus hauts niveaux d'exploitation de leur intelligence. C'est évident que si vous passez votre vie à parler avec des niaiseux, mais vous avancerez pas bien gros. Mais si vous parlez avec des gens qui sont intelligents et qui ont de la verve, je prends Ménard comme exemple, vous avez une chance d'expérimenter sur un plan humain des facultés qui sont en vous et qui sont amenées en surface parce que lui, déjà, a des facultés en lui qui sont en puissance d'expression. Alors, Ménard, un gars comme Ménard peut facilement vous amener à reconnaître en vous-même de l'intelligence, et si lui est suffisamment objectif dans l'intelligence, il va se faire dépasser par vous temporairement, puis ensuite, il va faire un autre mouvement pour vous dépasser, puis ensuite, vous allez faire un autre mouvement pour le dépasser, pour rentrer de plus en plus tous les deux dans ce jeu extraordinaire qui est l'échange de l'intelligence entre deux personnes. C'est pas pour rien que je vous pointe parmi tous vous autres des individus qui ont telle faculté, telle faculté, telle faculté, telle faculté. Parce que chaque individu a des facultés différentes. Et chaque individu dans ses facultés vous permet, vous, de développer des facultés. Mais sur le plan de l'ego, on réalise pas ça parce qu'on comprend pas la nature des facultés de l'homme. Et on ne les comprend pas parce qu'on est habitué à se défendre contre l'homme ou à attaquer l'homme. On n'est pas capable d'être neutre devant l'homme. Et c'est une grande expérience pour l'homme d'être neutre devant l'homme. Parce que plus il est neutre devant l'homme, plus il est dans l'intelligence cosmique. Des fois, il y a des gens qui m'arrivent avec des choses extrêmement savantes, extrêmement précises, extrêmement solides. Et automatiquement, là, je suis obligé de me mettre au neutre. Je me mets au neutre, là, c'est une fraction de seconde, là. Puis j'attends que l'intelligence débloque le gros obstacle, la grosse femme qui m'ont flanqué devant moi. Puis comme de fait, elle part, puis paf, elle fait tout sauter. Mais si j'étais dans mon ego, si j'étais dans ces complexes-là, je ne pourrais jamais faire ça. Là, je me retirerais devant cette grosse forme-là. Puis là, j'aurais peur d'attaquer cette forme-là. Ou je voudrais l'attaquer parce que j'aurais un complexe de supériorité. Et ça ne changerait rien. C'est seulement l'intelligence qui peut détruire une forme. C'est pas l'ego. L'ego peut la déplacer, la replacer, mais un ego ne peut pas la détruire. C'est l'intelligence qui détruit une forme. Comprenez-le une fois pour toutes. Mais vous avez l'occasion, vous autres, peut-être plus que n'importe qui sur le globe terrestre, de comprendre des principes d'intelligence qui vous amènent éventuellement à vous servir des formes proposées, posées devant vos yeux ou devant les yeux de votre esprit, pour vous exercer à aller plus loin que cette forme-là. Puis Ménard, c'est un exemple parfait de ça. Moi, si j'avais rencontré Ménard avant la fusion, j'aurais probablement été abasourdi par la puissance de sa personnalité. J'aurais peut-être friqué, j'aurais peut-être eu des complexes d'infériorité, ou j'aurais voulu me débattre avec mon ego pour essayer d'être supérieur à lui, ainsi de suite. Puis c'est comme ça que fonctionne l'ego. Mais comme on sait ce qui se passe maintenant, on devra prendre avantage de ces différentes personnalités-là qui ont différentes facultés et qui nous servent en se servant de l'intelligence. Un gars comme Ménard nous sert comme il se sert dans l'intelligence. Puis il y en a plusieurs parmi vous autres qui ont cette faculté-là de créer des tempéraments d'énergie qui vous servent à entrer dans d'autres aspects de vous-même, qui ne conviennent pas à l'ego, mais qui conviennent à l'intelligence. Mais, pour qu'on vive ça, pour qu'on comprenne ça, pour qu'on apprécie ça, il faut être sans complexe. Il faut comprendre l'importance d'être objectif vis-à-vis les autres. Surtout les plus forts, ceux qui ont le plus de verbes, ceux qui ont le plus de caractère explosif. Pas les fins, les fins. Les fins et les doux ont une autre fonction. Les forts ont une autre fonction. Deux fonctions diamétralement opposées, mais deux fonctions reliées par un trait d'union qui est la conscience cosmique et le plan de vie. Tu peux pas tout avoir des forts dans ta vie, tu passeras ton temps à parler et à échanger l'énergie. Des fois, tu as besoin des doux. Les doux te relaxent. Alors, il faut qu'on puisse, en tant qu'homme, bénéficier des doux et des forts d'une façon équivalente. Mais c'est plus facile pour nous autres d'avoir ou d'échanger avec les doux que d'échanger avec les forts, parce que les doux ne mettent pas notre ego sur le spot. Ils l'enrobent de bonté, ils l'enrobent d'une certaine saveur qui fait que notre relation avec eux autres est plaisante. Mais les forts, on a tendance à les mettre de côté, puis ce sont ces gens-là qui sont les plus aptes à nous amener à passer par-dessus eux autres. Puis eux autres, avec leur force, selon leur taux vibratoire, ils vont passer par-dessus vous. Puis vous, selon votre taux vibratoire, vous allez passer par-dessus. Puis à un certain moment, vous allez vous arrêter tous les deux à la même hauteur. Qui est quoi? L'intelligence. Une fois que vous allez toutes dans l'intelligence, vous allez arrêter à la même hauteur. Puis il n'y aura plus de force, puis il n'y aura plus de douceur. Ça va être rien de l'intelligence. Mais en attendant, pendant des années, il y aura parmi vous des expériences de force et de douceur. Et ce sont ces expériences-là qui troubleront vos relations humaines, qui mettront de l'amertume dans vos vies sociales. Puis plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez avoir besoin l'un de l'autre. Quand je dis que je forme une société anonyme dans le monde, c'est une société anonyme. Vous aurez besoin d'un de vous autres, l'un l'autre plus tard. Il y a des gens qui vont avoir des relations particulières avec telle personne. Mais les hommes doivent élargir leur cercle de relations. Les élargir. Puis c'est ça que eux autres veulent, puis ils vont le faire. Moi, je le sais, ils vont le faire. Comment ça leur prendra 20 ans pour amener la conscience supramentale dans un certain nombre d'individus dans le monde entier à être reconnus individuellement par chacun? Ils vont le faire. Quitte à ouvrir les centres de communication télépathique au niveau du corps éthérique. Ils vont le faire. Alors, le phénomène des complexes, le phénomène surtout des insécurités intérieures, faut qu'il soit réellement bien regardé par chacun de nous. Il faut qu'il soit compris à la lueur de l'intelligence pour que on ne soit pas vexé par nous-mêmes, pour qu'on ne se sente pas diminué devant soi-même, pour qu'on se voit et qu'on se prenne comme du passif actif. L'erreur des égaux, quand ils se rencontrent, c'est que les égaux ont l'impression que les autres égaux les connaissent. C'est pas vrai. Il n'y a pas un égo qui vous connaît intérieurement. Ce qui fait que les égaux vous reconnaissent, c'est que vous vous exprimez d'une telle façon et sans ordre dans votre intelligence. Et c'est pour ça qu'un égo vous reconnaît. Vous vous fâchez, ou vous lancez des paroles difficiles, ou vous portez des jugements, ou vous caricaturisez la réalité d'un autre ego. Et c'est pour ça qu'un ego vous reconnaît. Alors, il y a des gens qui ont des tendances à caricaturiser d'une façon. Il y en a d'autres qui ont une tendance à caricaturiser d'une autre façon. Il y en a d'autres qui ont une tendance. Puis un ego va dire, mais lui, il est de même. Puis dans le fond, c'est pas que vous êtes de même. C'est que vous avez une attitude en vous qui vous fait faire ça. Mais vous êtes autre que ça. Et ce autre que ça, c'est ça que les gens doivent découvrir. Et ils ne vont le découvrir que lorsque vous arrêterez de caricaturer. Autrement dit, projeter. Arrêtez de projeter. Comment ça se fait que moi, je suis capable de vous prendre objectivement puis de voir les qualités dans vous autres? Même si je peux connaître vos défauts, comment ça se fait que je suis capable de voir vos qualités et de m'occuper de ça? Parce que je projette pas. Parce que je me laisse pas affecter par ce que vous dites. Mais pourquoi? Parce que je suis totalement sécure en moi-même. Parce que j'ai pas de complexe. C'est ça qui me permet de faire ça. Mais vous autres, avec vos petits complexes, mais là, vous essayez de rebalancer ce que vous projetez vers l'extérieur, puis vous êtes incapable. Aussitôt que c'est sorti, c'est final. Aussitôt que tu parles d'une certaine façon, d'une certaine personne, puis que c'est entendu, c'est final. Fait que c'est important la façon que vous vous manifestez aux autres. Puis si vous n'êtes pas capable de vous manifester aux autres d'une façon neutre, d'une façon qui est sans équivoque, qui ne va pas les amener, eux, à porter jugement sur vous, mais automatiquement, les relations vont être plus faciles. Cachez votre jeu. Si vous avez des complexes, cachez-les, vos crises de complexes. Arrêtez de les projeter à l'extérieur. Puis ça, c'est subtil. Puis il y en a qui ont de la difficulté à contrôler ça. Sous toutes sortes de prétextes. Il y a des gens qui ont... Ça, c'est bien subtil. Il y a des gens qui souffrent de ce que j'appelle un excès d'honnêteté. Et un excès d'honnêteté va facilement créer des complexes dans une personne parce qu'un excès d'honnêteté veut que tous ceux qui sont devant soi vivent et soient du même calibre d'honnêteté. Et être honnête, c'est astral. Être bon, c'est astral. Un homme qui est conscient n'est ni honnête, ni pas honnête, ni bon, ni pas bon. Et comme dans à cause de la nature universelle des gens qui se vont vers une conscience plus élevée, les tendances naturelles sont d'être bon et d'être honnête, vous faites toute la maudite erreur d'être bon et d'être honnête, et automatiquement, vous empoisonnez la nature même de votre intelligence parce que être bon et être honnête pour vous, c'est tellement foncièrement réel et nécessaire à la survie d'une société par projection, que automatiquement vous allez projeter ceci à l'extérieur, et les gens n'ayant pas la même formation psychique dans leur corps astral vont réagir contre, automatiquement. Puis vous, automatiquement, mais vous allez réagir contre eux autres, puis c'est un jeu qui n'arrête plus. C'est pour ça que je vous dis, apprenez donc une fois pour toutes à mettre toutes les vertus chrétiennes, puis bouddhistes, puis mahomédanistes dans la poubelle. Les vertus qui ont été enseignées à l'homme par les églises, par les philosophies religieuses, sont des vertus qui ont été installées dans la conscience d'un état de l'homme pour le guider tant qu'il n'avait pas accès à son intelligence. Mais une fois que l'homme a accès à son intelligence, il n'a plus besoin de vertus. Tout ce qu'il a besoin, c'est de l'intelligence. De sorte que dans le monde occidental, vous avez des complexes qui sont directement liés aux vertus du monde occidental. Tu vas au Japon, mais t'as d'autres sortes de complexes qui sont en fonction du shintoïsme. Tu vas aux Indes, t'as d'autres sortes de complexes qui sont en fonction de l'hindouisme. Tu vas en Arabie, t'as d'autres sortes de complexes qui sont en fonction de la religion mahomédane. Tu vas des témoins de Jéhovah, tu as d'autres complexes en fonction des témoins de Jéhovah. Autrement dit, les religions sont les causes de la formation des complexes dans la conscience de l'homme. Il est temps que l'homme commence à comprendre ça. Ce que l'homme a besoin aujourd'hui et demain, c'est plus de la religion. Ce qu'il a besoin, c'est de l'intelligence. C'est plus de la manifestation philosophique ou théologique de la religion, même si ça vient du bon sens. Ce qu'il a besoin, c'est de l'intelligence. Quand tu es dans l'intelligence, ces vertus-là, ce que vous appelez les vertus, sont déjà englobés dans la manifestation d'intelligence. Moi, je ne vais pas aller voir voler quelqu'un, puis je ne vais pas tuer quelqu'un, puis je ne vais pas coucher avec la femme d'un autre, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Je vais respecter les lois humaines, mais toujours selon les conventions de mon intelligence et en relation avec les conventions de l'homme aujourd'hui. L'intelligence est élastique. Si j'étais sur une autre planète, je ferais d'autres choses. Alors, nos actions doivent être déterminées par notre intelligence, et l'intelligence sait quoi faire. Et c'est quoi faire sur une planète dans une civilisation d'intelligence? On n'a plus besoin des vertus. Il y a des gens qui ont certaines vertus, puis il y en a qui en ont d'autres. Il y a des gens qui ont tellement, c'est tellement fort ces vertus-là que ça crée des conditions intérieures qui sont très difficiles éventuellement à briser, à effondrer. Il y en a qui n'ont moins, sont un petit peu plus lousses. Ils sont plus lousses dans leur comportement psychologique, social. Mais non, c'en est un. Des vertus, il n'est pas bien fort sur ça, des vertus. Chiasson n'est pas bien fort sur ça, des vertus. Donc, automatiquement, il y a une sorte de relâche, il y a une sorte de capacité de respirer de l'air. Madame Arbeck en a des vertus. Ah, le phénomène de la vertu, c'est un phénomène qui étouffe l'intelligence pour le bénéfice de l'organisation psychologique et sociale des relations humaines. L'homme s'en va vers une autre dimension. L'homme s'en va vers une autre intelligence. L'homme s'en va vers un autre monde. L'homme s'en va vers une vie qui est totalement occulte, totalement voilée, totalement magique à l'homme de la cinquième race. L'homme s'en va vers une vie qui n'est plus constituée des mêmes événements psychologiques ou psychiques de la vie de la cinquième race, parce que l'homme s'en va vers une capacité de sortir de son corps matériel. Alors, il est obligé d'apprendre les lois de l'intelligence qui conviennent à sa nouvelle évolution, à ce nouvel essor sur la planète Terre. Il ne peut plus être confronté pendant des années avec des vertus qui ont servi dans le passé. Une qui s'est relâchée des vertus, c'est elle, la petite noire. Elle s'est relâchée. Depuis qu'elle s'est relâchée de tout ça, bien, elle devient un petit peu plus relaxe. Je prends des cas particuliers là, en passant. Une qui n'a pas ces problèmes-là, c'est Diane. Elle n'a pas ces problèmes-là de vertu. Alors, les vertus, qu'elles soient bonnes ou qu'elles ne soient pas bonnes, on parle des vertus qui sont bonnes, parce que c'est plus fun de parler de ces vertus-là, mais ces vertus-là ont leur défaillance. Si on prend Claude Bellefleur, il y en a des vertus de bonté, de la bonté... C'est ces vertus-là qui ont créé en lui pendant des années de temps un affaiblissement de sa force intérieure, de son intelligence réelle. Parce que la bonté, trop de bonté, ça affaiblit l'homme. Parce que dans la bonté, il y a une attitude positive. L'homme doit être dans la force de l'intelligence. Quand il est dans la force de l'intelligence, à ce moment-là, il fonctionne. Toujours en harmonie avec le monde. Mais il n'est jamais empoisonné par l'effet contraire de la vertu, qui est la faiblesse. Parce que toute vertu a un effet contraire. Si vous êtes trop honnête, vous allez souffrir de ceux qui ne sont pas honnêtes. Automatiquement, vous allez créer intérieurement de l'acide. Tu regardes les vieilles femmes là, de l'âge victorien, là, qui étaient bien straight. Puis regarde-les quand ils ont 80 ans, 70 ans, ils sont pleins de rides, ils sont toutes ridées, ils sont toutes de même. Ils sont trop vertueuses. Regarde les sœurs. Tu regardes un certain âge, c'est des vrais chou-fleurs. Ils sont toutes ridées. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop vertueux. Comment se fait que les psychologues n'ont jamais expliqué ça à l'homme? Puis tu regardes les putains du monde, ils ont des beaux teints rendus à 90 ans. C'est pas que je parle en vertu de la putainerie. Mais j'explique les effets astro des vertus sur la conscience de l'homme. Ça, je dis, l'intelligence appliquée, la psychologie de l'intelligence, il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Moi, j'essaie de vous en donner un petit peu, pour faire comprendre ce que je sais et ce que je sens. J'essaie. Pour vous rendre les vies plus faciles, plus faciles. C'est extraordinaire, l'intelligence. Mais pour que vous ayez accès à votre intelligence, il faut que vous compreniez ce qu'elle nous explique, cette maudite intelligence-là. Chaque ego a un plafond. Il faut qu'on le pète, notre plafond. C'est quand tu commences à péter ton plafond que tu vois que du soleil dehors. Mais il faut qu'on le pète, notre plafond. Moi, quand même, vous seriez bien fin, puis bien spirituel, puis bien ici, bien ça, moi, ça me fait rien. Puis si vous êtes trop ça, bien, éventuellement, ça me dérange, puis éventuellement, je peux me couper complètement de vous autres, individuellement. Parce que pour moi, ça reflète toujours les tièdes. Puis les tièdes ne peuvent pas rentrer dans les terres. Il y en a parmi vous autres qui ont énormément de capacité de devenir intelligent, puis de devenir centrique, puis de devenir... Mais on dirait qu'il y a des chocs qu'ils n'ont pas eu, qui auraient besoin. Puis c'est pas moi qui vais vous les donner, les chocs. Vous allez peut-être vous les donner entre vous autres. Mais c'est pour ça que je dis, si vous voyez quelque chose dans vous autres qui n'est pas ce qui devrait être, mettez une croix sur le mur. Mais je vous parle toujours en relation avec des années d'évolution et des années de développement. Ce que je vous parle aujourd'hui, ça s'enregistre, mais c'est dans le temps que vous allez voir qu'il s'est passé, qu'il s'est fait un travail quelconque. Le corps astral, c'est un corps d'impression. C'est un corps qui se nourrit d'impression. Et quand vous recevez une impression, c'est à vous autres de la prendre ou de la rejeter. À vous autres. Vous ne pouvez pas demander l'opinion à la société. C'est à vous autres de la prendre, cette impression-là, ou de la rejeter. Mais avec intelligence. Parce qu'il y a bien des gens qui rejettent des impressions de tempérament. Mais si vous la rejetez avec intelligence, cette impression-là, mais à ce moment-là, mais vous rentrez dans votre intelligence. Aussitôt que tu rejettes une impression extérieure avec ton intelligence, tu rentres dans l'intelligence. On est totalement esclaves de notre corps astral. Puis la mécanique des complexes, c'est le rationalisme. Puis méfiez-vous de vous rationaliser parce que vous allez vous rationaliser au bout, puis vous allez vous donner raison. Vous allez vous donner raison. Puis si vous vous donnez raison, vous êtes absolument sûr que vous n'êtes pas dans l'intelligence. Vous ne pouvez pas être dans l'intelligence pour vous donner raison parce que l'intelligence, c'est une sphère qui n'est pas humaine. C'est une sphère qui est au-dessus de votre ego. Vous ne pouvez jamais vous donner raison dans l'intelligence. C'est impossible. La seule chose qui vous permet dans l'intelligence de réaliser que vous avez raison, c'est la puissance de votre parole. C'est la seule chose. C'est la puissance de votre parole qui vous permet de réaliser que vous avez raison. C'est pas parce que vous rationalisez que vous avez raison. Parce que quand vous êtes dans l'intelligence, que vous dites ci ou que vous dites ça, ça change rien. Ça change absolument rien. Mais quand vous vous donnez raison ou que vous prenez le point de vue d'une raison quelconque qui est justifiée par votre ego, vous allez prendre une position vis-à-vis d'un autre. Quand vous êtes dans l'intelligence, il n'y en a pas de position d'un bord ou de l'autre. C'est bien neutre de l'intelligence. Puis de l'intelligence, ça accepte n'importe quoi qui est intelligent, mais ça refuse tout ce qui ne l'est pas. Mais il faut être déastralisé pour accepter ce qui est intelligent, puis refuser catégoriquement et absolument ce qui ne l'est pas. Puis ça prend une force intérieure. C'est pas tout le monde qui est capable de refuser n'importe quoi. Ça prend énormément de centricité. C'est nos complexes qui nous empêchent de pouvoir vivre ça. Ils disent que c'est mortel de rationaliser. Si on réalisait jusqu'à quel point c'est mortel, ils disent qu'on en serait époustouflé. C'est mortel de rationaliser. Puis quand on rationalise, on ne s'aperçoit pas qu'on se donne raison. Même si ça paraît être une forme de rationaliste qui est totalement décousue de nous autres. Quand on rationalise, on se donne raison, automatiquement. Puis ils disent que la meilleure façon pour nous autres de nous apercevoir si on se rationalise, c'est si on est capable d'écouter quelqu'un sans quoi? Ils disent sans bloquer. Autrement dit, la mesure d'être capable de ne pas rationaliser, c'est la mesure d'être capable d'écouter quelqu'un sans bloquer. Il y a une différence entre bloquer puis en disant oui, mais en voyant ce qu'il dit, voir ce que quelqu'un dit, puis aller au-delà de, c'est une chose. Mais bloquer, c'est un autre pied de manche. Autrement dit, ils disent pas accepter. C'est subtil, ça. Mais non, on m'a parlé tout à l'heure, puis c'est pas que j'ai pas accepté ce qu'il dit, c'est que j'ai ajusté la vibration de ce qu'il dit. C'est pas pareil, ça. Mais nous autres, on bloque, là, puis on se donne raison. Le plus grand terrain d'expérience pour vous autres dans votre vie future, ça va être entre vous autres. Quand vous allez vous rencontrer, vous allez faire des affaires ensemble, puis vous allez parler ensemble, ainsi de suite. C'est là que vous allez voir jusqu'à quel point vous êtes capable de rationaliser n'importe quoi pour le bénéfice de quoi? De vos complexes. Parce que quand vous rationalisez sur la base de l'émotion, vous rationalisez pas sur la base de l'intelligence ou de l'intellect pur. Parce que vous n'avez pas tous les paramètres. Si vous aviez tous les paramètres, vous pourriez rationaliser sur la base de l'intellect, mais à ce moment-là, vous seriez des cerveaux électroniques. C'est ça que ça fait un computer. Puis encore, ça se trompe parce que c'est programmé. Fait que rationaliser. On peut savoir que c'est pas ça, mais pas pouvoir l'ajuster. Tu peux savoir que c'est pas ça, puis tu fends ta gueule si t'es pas capable de l'expliquer. Si quelqu'un dit quelque chose, puis tu sais que c'est pas ça, puis t'es pas capable de l'expliquer, fends ta gueule, puis attends d'être capable. Puis rendu à ce point-là, ce serait pas intéressant, oui. Moi, il y en a bien des choses que vous me dites, puis je sais, c'est pas ça, puis je vous laisse parler pareil. Hein? Combien de fois vous me dites quelque chose, puis oui, je dis, ah, c'est intéressant, hein? Ou j'écoute. Sans ça, je perdrais l'énergie, puis je perdrais l'énergie, puis je perdrais l'énergie, puis je perdrais l'énergie. Je vous laisse babiller, puis c'est final. Où je vais ajuster, c'est quand il y a suffisamment d'intelligence. Là. Mais c'est de la niaiserie, mais je vous laisse dans votre niaiserie, parce que tu m'as commencé à tout décortiquer votre affaire pour commencer à vous donner des coups. Fait que c'est pas parce que vous me parlez que ce que vous me dites, c'est vital. Mais il y a un point là où tu peux sentir où t'as bloqué et où t'as pas ajusté ça. Où t'as pas bloqué, mais tu sais que c'est pas ça. Ouais, ça c'est un point intelligent. Quand tu bloques pas, mais tu sais que c'est pas ça, mais à ce moment-là, c'est parce que tu te désengages de ce qui est dit, parce que tu veux pas perdre d'énergie, puis c'est pas si important que ça. Ça doit faire un petit quelque chose quand tu bloques, il y a quelque chose qui se sent. Ah, quand tu bloques, c'est l'ego. C'est tout encore lié à l'astralité. Mais quand tu bloques pas, puis tu passes par-dessus, mais tu sais que c'est pas ça, mais à ce moment-là, c'est parce qu'il y a de l'intelligence en toi. Il y a une suffisance d'intérêt personnel qui veut que tu ne perdes pas d'énergie pour rien. C'est la maturité, c'est du discernement. Ça vaut son poids en or. Puis si tu t'habitues à ça, tu vas t'apercevoir que tu vas faire ça plus souvent qu'autrement. Parce qu'il vient un temps, quand tu rentres dans l'intelligence, tu peux pas commencer à corriger et à rectifier tout ce qui est dit par le monde. Tu n'arrêteras pas, tu seras une vraie machine à parler. Mais quand tu bloques, là, il y a quelque chose qui doit se sentir, ça doit faire un remous. Ça... Ouais, quand tu bloques, c'est parce qu'il y a ton ego là, qui est là. Il y a quelque chose que ton ego ne veut pas accepter. Il n'y a pas vraiment à l'absorber. Non, il est tué de le refuser. C'est ça les couleurs de l'astral. C'est pour ça quand je vous dis, quand vous bloquez, checkez la gaffe. Si ça vous passe 10 pieds par la tête, c'est une autre chose. Mais quand vous bloquez, c'est parce qu'il y a en vous de l'astralité, du complexe. Il y a de la couleur astrale. Sans ça, vous seriez capable de parler pendant des heures avec du monde. Puis qu'à part ça, quand tu rencontres une personne, il y a un ajustement vibratoire, tu rencontres un étranger, c'est évident qu'il passe sa balloune, ainsi de suite. Mais si tu donnes du temps au gars de s'ajuster, tu vois que, oups, il est pas mal intelligent, puis tu t'aperçois que, oups, il y a eu des expériences de 10 ans, puis il y a eu des livres de 10 ans. Moi, je l'ai rencontré un gars dans le Nord dernièrement, un pur étranger, puis je suis aperçu qu'il avait lu des livres intéressants, Psychic Research Behind the Iron Curtain, puis il y a eu des expériences quand il était jeune. Mais faut lui donner une chance que ça monte en surface, ça. Puis quand ça monte en surface, mais là, si tu es encore plus vibrant dans ton intelligence, mais là, tu vas prendre le haut du palier, puis tu vas diriger la conversation, puis tu vas lui donner une chance de rentrer dedans, puis tu vas diriger. Fait que là, tu l'amènes quelque part, le gars. Fait qu'il est content de te rencontrer. Mais si vous vous rencontrez, puis c'est tout de suite les gants de boxe, mais vous allez finir avec des knock-outs, c'est évident. Les gens se donnent pas la chance de se rencontrer. Ils sautent tout de suite avec le gant de boxe. Parce que l'ego veut... C'est encore lié à l'insécurité de l'ego, ça. Moi, je l'ai à patente, moi, de mon principe. Ouais, je l'ai à patente, moi, de mon principe. Je l'ai à l'intelligence. Ouais. J'ai faim. Es-tu trop tôt, Colette? Non. Quand qui, là? Je viens de dire non. À Colette, en rapport avec ça, OK? Toi, tu dis, si elle était sa mère, si elle était la mère, si elle était, toi, tu dis, si elle était ta mère, elle a te répond, ben, elle te recoudre les fesses, OK? Ouais. Là, toi, tu y réponds, l'astral, ouais. OK? Ouais. Et puis, tu lui dis, ça affecte l'intelligence. Ouais. OK? Qu'est-ce que ça rapporte, ça? Peux-tu expliquer ça? C'est quoi, là? Non. Bon. D'abord, l'humour. Mm-hmm. Ça, c'est de l'humour qu'elle a manifesté. C'est de l'humour. Ouais. Puis de l'humour, c'est toujours de l'astral qui colore l'intelligence, mais créativement. Mm-hmm. L'intelligence, c'est très... L'intelligence, c'est bien sérieux, l'intelligence. L'intelligence, ça n'a pas... Dans l'intelligence, il n'y a pas d'astral. C'est pas humain, de l'intelligence. Mm-hmm. OK? Il n'y a pas d'humour là-dedans. Non plus. Non, il n'y a pas d'humour dans de l'intelligence. Mm-hmm. Ce qui rend de l'intelligence humoristique, c'est le fait qu'on a de l'astral. Mm-hmm. On ne peut pas ne pas avoir de l'astral. On a tout un corps astral. Ouais. Mais quand il y a de l'intelligence, puis que le corps astral colore l'intelligence, à ce moment-là, il y a de l'humour. Mm. Okay. Ce qui permet qu'il y ait de l'humour sur la Terre, c'est le fait qu'on a de la... On a un corps, on a une conscience qui peut colorer d'une certaine façon cette intelligence-là. On appelle ça de l'humour. C'est le fun, c'est plaisant, c'est relaxant. Tu sais, on parle de l'astral, puis de l'astral, puis de l'astral. Faut pas penser que l'astral, c'est pas bon. L'astral, ça fait partie de la conscience humaine. Moi, si je ne riais pas de temps en temps, si je ne me servais pas, si je me servais pas de cette conscience astrale, ce serait extrêmement aride, mon matériel. Sévère. Ce serait sévère, ce serait aride. Mais l'humour, il n'est pas pour toi, il est pour les autres. L'humour, quand tu le dis, il est pour les autres, mais il réfléchit vers toi. Et réfléchis vers toi. Tu peux, ça te permet de le mesurer, de l'apprécier. Mais il faut qu'il revienne. Si tu fais de l'humour pour personnerie, il revient pas. T'sais. Ce qu'il monde rit, mais là, il revient. Fait que là, ça fait un cercle. C'est fun, l'humour. Je m'en sers de plus en plus dans les conférences, l'humour. Ça stabilise aussi un petit peu. Ça peut stabiliser. Ça relaxe. C'est très bon, l'humour. Seulement, il n'en faut pas trop. Quand l'astral est trop, quand il y a trop d'astral dans l'humour, là, c'est des gens qui sont pas capables de s'arrêter. Là, une joke attend pas l'autre. Là. Éventuellement, ça se dégrade. Là. L'humour, c'est comme du poivre, c'est un steak. T'en mets un petit peu, mais il faut que tu arrêtes. Sans ça, le steak est plus mangeable. Ça, c'est encore l'ajustement du corps astral. Ça vient d'où la même patente. Moi, j'aime ça rire, mais donne-moi-en pas trop. Sans ça, j'ai mal ici. J'ai des pouces des bosses. La mesure dans le bon, tu peux vérifier ça au niveau du stick-là quand tu fais des jokes. Ouais. La mesure de l'humour, c'est... La mesure de l'humour, c'est la facilité que t'as de faire rire le monde, mais aussi la facilité que t'as de les ramener dans le sérieux. Ça, c'est la mesure de l'humour. S'il n'y a pas de mesure de l'humour, mais à ce moment-là, c'est de l'humour, là, puis ça n'arrête plus. Donc, tant que tu es lucide, tu t'emportes. Tant que tu peux jamais t'emporter. Si tu es lucide, tu peux jamais t'emporter. Parce que ton humour est conscient. Là, ils veulent ouvrir sur un autre concept. Ils veulent ouvrir sur un autre concept de la psychologie supramentale qui appelle l'intelligence de l'astral. Autrement dit, l'intelligence de l'émotion. L'intelligence de l'émotion étant cette intelligence qui permet à l'homme. L'intelligence de l'émotion, c'est cette intelligence, ou l'intelligence de l'astral, c'est cette intelligence qui permet à l'homme de mesurer, d'être conscient de la différence entre l'intelligence cosmique et l'intelligence planétaire. Dans l'intelligence cosmique, il n'y a rien de planétaire. Si je parlais, là, si je vous parlais sans émotion, pas dans le sens de l'émotion, mais si je vous parlais sans astralité, je vous parlerai un peu comme ça. L'intérêt que vous portez à tout ce que je vous dis est sans aucune issue, puisque tout intérêt que vous avez envers ce que je vous dis n'appartient qu'à celui qui est dans l'esprit de l'intelligence. L'intérêt de toute chose est sans forme, puisque l'intérêt de toute chose est en dehors du temps de l'esprit, et que l'esprit est sans issue, puisque l'esprit est la définition de tout ce qui est éternellement unis à la progression ultime de la conscience atomique. La conscience atomique est sans issue parce que la conscience atomique n'appartient pas à la conscience de l'homme. Et la conscience de l'homme est sans issue puisque tout ce qui regarde l'homme ne regarde que la destinée de sa planète. Alors, il n'y a plus de lien. Dans l'intelligence, quand il n'y a pas d'émotion dans l'intelligence, ça va loin. Si je continuais, on entrerait dans une autre dimension de l'intelligence. Mais cette dimension de l'intelligence-là ne pourrait pas servir d'instruction à l'homme, parce qu'elle est totalement dépersonnalisée. Alors, pour que l'homme puisse bénéficier de l'intelligence, il faut qu'elle soit colorée par sa conscience astrale. Mais pour qu'il y ait un équilibre entre sa conscience astrale et l'intelligence, il faut que l'homme soit suffisamment centrique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit suffisamment capable de canaliser l'énergie sans que son corps astral ou sa conscience astrale affecte cette intelligence-là. Si moindrement sa conscience astrale affecte cette intelligence-là, l'homme tombe dans un autre niveau d'intelligence qui est l'intellect humain ou la philosophie humaine ou la psychologie humaine. Et ce qu'on doit apprendre avec le temps, c'est de vivre notre intelligence en relation avec notre conscience astrale, mais une conscience astrale suffisamment épurée pour que nos émotions qui infectent les formes n'empêchent pas que l'énergie se serve de la forme comme elle le veut. Sans ça, si on fonctionne purement en relation avec l'énergie nous disloque, l'énergie nous sépare. l'énergie nous sort de notre corps, et ainsi de suite. Alors, automatiquement, cette énergie-là ne peut plus nous servir. Elle peut me servir à moi, mais elle ne sert plus à vous autres. Et si elle ne sert plus à l'homme, à ce moment-là, c'est plus une forme d'instruction. C'est simplement un déplacement d'un autre monde.